d'utopie ont vu ce matin. Les mondes meilleurs, c'est plus très sexy. Les nobles causent les combats contre la faim. Dans le monde, j'oublie. J'ai décidé de me concentrer sur un sujet qui me tient à cœur. Depuis que le but ultime m'a été révélé en écoutant de la musique d'ascenseur. Riche et célèbre, tel est mon credo. Vivre en faisant le zèbre, mais sans me fatiguer trop. Qu'importe la rubrique, je veux ma tronche dans les journaux. Être bourré de fric, faire la tournée des talk shows. Je vise un créneau à la mode en ce moment. C'est le chanteur trentenaire et désabusé qui raconte ses ennuis avec sa maman et toutes les filles qui l'ont quitté. Je prendrai une voix un peu comme ça. J'aurai ma pub en boucle sur LCI, en playlist sur RTL2 pendant des mois, en duo avec Carlos chez Nagui. Riche et célèbre, tel est mon credo. Vivre en faisant le zèbre, mais sans me fatiguer trop. Qu'importe la rubrique, je veux ma tronche dans les journaux. Être bourré de fric, faire la tournée des talk shows. Prêt à tout pour passer à la télévision, booster les ventes de mon nouveau single. Raconter ma vie sexuelle avec des hérissons entrelardés d'applaudissements et de jingles. Pseudo-provocateur, mais vrai consensuel, telle sera ma marque de fabrique. Pour assurer mon succès perpétuel sur le plateau des émissions pathétiques. Riche et célèbre, tel est mon credo. Vivre en faisant le zèbre, mais sans me fatiguer trop. Qu'importe la rubrique, je veux ma tronche dans les journaux. Être bourré de fric, faire la tournée des talk shows. Donner un concert sur la lune, présenter la météo. Péter de thunes, acheter les diamants au kilo. Toujours pas d'utopie en vue ce matin, mais finalement, c'est sûrement mieux ainsi. Mon nouvel objectif pour aujourd'hui et demain sera de ne pas avoir de but précis. J'étais sûrement pas fait pour faire la couverture de Paris Match en maillot de bain. À stocker trop de blé, on risque la pourriture, on peut sûrement se contenter de moins.